On a volé le secret de l'avion atomique, une enquête de l'inspecteur Barr par Michel Corry. Chapitre 1er, double mystère. Je n'y suis pour personne, Émilie, qu'on ne me dérange pas. Envoyez tous les visiteurs à monsieur le substitut. Bien, monsieur le procureur. Ah, tout de même, un gardien de prison va venir. Il sera peut-être en tenue. N'importe, il se nommera Joseph Berry. Vous retiendrez bien le nom. Oui, monsieur le procureur. Le concierge du palais de justice de Moreuil sortit du bureau du magistrat, dont celui-ci ferma la porte à clé à double tour. Puis il retourna à sa table et se pencha sur un dossier qu'il lut avec attention, prenant de temps en temps des notes. Il travaillait ainsi depuis plus d'une heure, quand on frappa à huis clos, et la voix du concierge dit à travers la porte « Monsieur le procureur, c'est le gardien Joseph Berry. » Le procureur ouvrit et serra chaleureusement la main d'un grand gaillard en costume de gardien pénitentiaire. « Ah, te voilà. Entre vite, j'ai besoin de toi. » « Tant mieux, mon capitaine. Oh, pardon, monsieur le procureur. Appelle-moi mon capitaine, comme il y a 3 ans, quand tu étais mon ordonnance. Oui, monsieur le procureur. Pardon, oui, mon capitaine. Il me faut un homme sûr. C'est pourquoi je t'ai fait demander au service pénitentiaire, nommément. Assieds-toi et écoute-moi. J'ai ici depuis ce matin un prisonnier redoutable, un as de l'évasion, un personnage démoniaque. C'est une terrible affaire d'espionnage. Moreuil est un petit pays. Nous avons une vieille prison et un seul gardien qui est presque de l'âge de sa prison. Quand il sort ou s'absente, c'est sa femme qui le remplace. Il est vrai que les 3/4 du temps, sa prison est vide. Or, j'ai besoin d'un homme robuste, intelligent, brave même, sur qui je puisse compter. Je ne pouvais que penser à toi. Merci. Ce que nous faisons n'est pas administratif. Mais en raison de l'importance exceptionnelle de l'affaire... Bref, voici. Je m'adresse à l'ancien soldat pour lui confier un secret. Tu n'as sans doute jamais entendu parler de l'avion atomique dont nous avons le secret et qui est clandestinement fabriqué en France. Ma foi, non. J'ai entendu parler de la bombe atomique. Oui, eh bien, il te suffit de savoir qu'un avion atomique n'a pas besoin de carburant, qu'il peut voler des jours et des jours, qu'un grain d'uranium convenablement traité pour sa désintégration est capable de l'actionner pendant 20 ans et qu'il peut atteindre une vitesse incalculable, 1 000 000, voire plusieurs milliers de kilomètres à l'heure. Bigre, comme tu dis, sourit le procureur. Eh bien, le secret de cet appareil, c'est la France qui l'a. Oui, le secret de la fabrication de cet engin susceptible de raccourcir les distances, de bouleverser la vie économique du pays et de le rendre autant de service pour la paix que pour la guerre. C'est magnifique. Sans doute, mais... Et le magistrat eut un soupir. « Mais les espions ennemis guettent, ils pullulent. Cet avion est fabriqué ici, dans une usine que l'État a acquise sous un nom d'emprunt. Or, un ouvrier se faisant appeler Blanchard a été arrêté par nos soins grâce à l'habileté d'un policier remarquable, l'inspecteur Paul Barr. Oh, je connais bien son nom. J'ai entendu souvent parler de lui. C'est lui qui a décelé l'espion. Celui-ci est en réalité un sieur Krim. » Un Allemand ? Je le crois. Bref, cet individu est à la prison de Moreuil, et c'est toi que je charge de le garder. Il ne faut pas qu'il puisse communiquer avec l'extérieur. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps de livrer le plan de l'avion. Mais on a découvert sur lui, caché dans la semelle de sa chaussure, le plan de l'appareil. Mais alors, attends. Ce n'est qu'un plan fragmentaire. Le plan complet est établi en 2 feuillets superposables. Ainsi, par transparence, on retrouve la totalité du graphique. Or, Krim n'a qu'une de ses parties, et très schématique. L'autre partie est dans le dossier. On y était, car pour plus de sûreté, je la porte sur moi. Voilà l'affaire. Tu vas prendre ton service tout de suite, entendu. J'ai hâte de te voir en faction. Je ne dormirai pas tranquille sans cela. Ce qui est façon de parler, car j'ai travaillé sur cette affaire toute la nuit. Excuse-moi, je ne te conduis pas à la prison. Le gardien-chef, qui est du reste, comme je te l'ai dit, le seul gardien de la maison d'arrêt, est prévenu. La prison est proche. Tiens, on la voit d'ici, de la fenêtre de mon cabinet qui domine toute la ville. Et le procureur Gontier, ayant ouvert la fenêtre, montra Joseph Berry une vieille bâtisse proche aux fenêtres grillagées et munies de barreaux. « C'est là, » fit-il. Quelques minutes plus tard, Joseph Berry s'installait à la prison de Moreuil. Le gardien-chef n'était pas là à ce moment. Ses absences étaient fréquentes dans cette maison tranquille à l'ordinaire. Et comme le lui avait dit M. Gontier, ce fut Madame Perret, sa femme, qui le reçut, avec quelque mauvaise humeur d'ailleurs. Comme son époux, elle était quelque peu vexée de la méfiance dont témoignait le choix d'un garde supplémentaire. Néanmoins, elle montra les lieux au nouvel arrivant, le conduisit jusqu'à la porte de la cellule de crime, ouvrit même le petit Judas de quelques centimètres carrés qui s'inscrivait dans la porte. Par là, José Véry put observer le prisonnier. C'était un grand garçon blond, d'allure distinguée, malgré la bure pénitentiaire dont il était habillé. « Tiens, remarqua Véry, il porte la tenue des détenus. Il n'est pourtant qu'inculpé. Oui, c'est un ordre de monsieur le procureur. On lui a retiré ses vêtements pour savoir s'il ne cachait pas des papiers dedans. Il paraît que son identité n'est pas établie. C'est sous ce prétexte qu'il a été arrêté. » La brave femme n'en savait pas plus. Elle lui remit aussi une clé. « C'est celle de la cellule. Celle de la prison, c'est toujours mon mari ou moi qui l'avons. Je n'ai besoin ni de l'une ni de l'autre. Je ne vais pas abandonner mon service et je n'ouvrirai certainement pas, pour quelque cause que ce soit, la cellule de ce prisonnier, » fit-il en plaçant la clé dans sa sacoche à pistolet. « Vous pourriez vous allonger sur le lit de repos qui est dans le couloir. Certes non. Je resterai devant la porte et debout. À votre aise. » Et la femme du gardien s'éloigna dans le couloir. Véry sortit un journal de sa sacoche et se mit à le lire. Mais par un surcroît de prudence, il se tint debout, le dos appuyé à la porte de la cellule. La nuit descendait et seule la clarté qui tombait de la cellule éclairait toute la nuit par prudence et dont la lueur filtrée par un vasistas vitré et étroitement muni de gros barreaux lui permettait, grâce à cette position, d'effectuer sa lecture. Mais il eut beau parcourir la double feuille de son journal, il n'y trouva rien qui se rapportât à l'affaire de l'avion atomique. La nuit passa. Au matin, l'inspecteur Paul Barr, muni d'une commission rogatoire, vint interroger Crime pour la première fois. Il arrivait tout droit de Paris, n'ayant encore jamais vu l'espion, dont la présence à Moreuil ne lui avait été révélée que par des déductions tirées des recoupements et de divers renseignements. Le juge d'instruction, M. Clément, l'accompagnait. « Monsieur le procureur, dit celui-ci, s'excuse. Il a du travail avec le volumineux dossier de cette affaire pour toute la nuit. » Le gardien-chef leur ouvrit la porte et les guida à travers les couloirs. « Voilà la cellule, dit-il. Le gaillard est bien gardé, dit Paul Barr, en apercevant l'uniforme pénitentiaire et en recevant le salut militairement correct qui l'accueillit. « Oui, dit le juge d'instruction. Nous avons fait appel à un gardien parisien qui connaît bien notre procureur. Alors, mon garçon, votre garde n'a pas été trop pénible ? Non, monsieur le juge, l'individu n'a pas bronché, rien à signaler. Bon, voulez-vous nous ouvrir ? L'homme ouvrit et s'effaça. Entrez, messieurs. Le magistrat et le policier entrèrent. Ils poussèrent un même cri. La cellule était vide. Comment le prisonnier a-t-il pu sortir ? Demanda Paul Barr. Je ne sais pas. Aucune trace d'effraction. La fenêtre munie de forts barreaux et d'un épais grillage était intacte. Aucun désordre. Le lit était fait en carré. Les trois hommes le découvrirent. En vain, Crime avait disparu, volatilisé. Vous n'avez rien vu ? Je n'ai pas la clé de la porte de la prison. Il n'a pas pu sortir. Les murs sont hauts. Il est sûrement dans la prison. Il faut prévenir monsieur le procureur. Le gardien-chef arriva. Il ouvrit lui extérieur. Et le factionnaire sortit en répétant « Je préviens, monsieur le procureur. » Cependant, Paul Barr continuait son investigation, tandis que le magistrat, le vieux gardien, conférait dans le couloir. Ils entendirent un cri. « Venez voir !» Paul Barr avait entièrement défait le lit, enlevant couverture et matelas. Sous le sommier, dans le creux, était allongé un cadavre, revêtu du costume de bure des détenus. « Comment a-t-il pu se fourrer là-dedans après sa mort ?» demanda naïvement le vieux gardien. « C'est qu'il s'y est fourré avant ?» fit Paul Barr, en pinçant rire. « Sans doute, » dit le juge. Les trois hommes dégagèrent le corps. « C'est singulier, » remarqua Paul Barr. « Il ne porte aucune trace. » Ils le déshabillèrent. Le cadavre était encore chaud et presque souple. « Un poison, peut-être ?» fit le magistrat. « Sans doute. » Et tout cela paraissait, en somme, assez simple. Se voyant pris, Crime s'était suicidé. Mais pourquoi cette inutile précaution de s'enfermer préalablement dans le sommier ? Nous verrons cela plus tard, proposa Paul Barr. À ce moment arrivait la femme du gardien-chef. Mais, Cet homme n'est pas notre prisonnier. » Le policier et le magistrat se tournèrent vers le vieux gardien. « Ma foi, avoua-t-il, je ne sais pas. Je n'étais pas là quand les gendarmes l'ont amené. C'est ma femme qui a procédé aux formalités d'écrou. » Celle-ci, ayant examiné de plus près le cadavre, s'écria « C'est trop fort. Cet homme n'est pas le détenu, c'est le gardien. Le gardien arrivé de Paris, c'est moi qui l'ai reçu. Je le reconnais bien, il n'y a pas d'erreur. » Alors ce gardien qui était là tout à l'heure, devant la porte de la cellule, « Il est parti voir le procureur, a-t-il dit. Vite, courons au palais de justice. » Les deux hommes, arrivés là, interrogèrent le concierge Émile. « Monsieur le procureur travaille dans son bureau. Je ne l'ai pas vu sortir. Ce matin, un gardien de prison est venu le demander. Et où est-il ? Il est sorti peu de temps après son entrée. Et alors ? C'est tout ce que je sais. » Les deux hommes pénétrèrent dans le palais désert à 7 heures matinale. Dans le cabinet entrouvert du procureur, personne. Le dossier de l'avion atomique était ouvert sur le bureau, les feuilles en étaient éparpillées et jonchaient le tapis. Le procureur demeura introuvable. Le juge d'instruction était effaré, effondré. Volba récapitula avec calme les événements. Le gardien du détenu a été trouvé mort, revêtu du costume du prisonnier et caché dans le sommier et dans la cellule de celui-ci. Le détenu a été trouvé revêtu de l'uniforme du gardien et en faction devant sa propre cellule. Il a disparu en même temps que le procureur de la République, qui était l'ami du gardien. Et il conclut tranquillement. Tout ceci donne lieu à une enquête.